fille qui vient de s'afficher. Une femme mature qui vient de s'afficher sur mon écran. Je vais avoir un bilan de virus. Ça veut dire que je vais faire mon émotion. We'll be right back.